Un jour c'est beau, l'autre jour c'est moche. D'abord ça te plaît, et puis t'aimes plus. Tu sais pas trop ce qui t'accroche, et pourtant t'as rien vu. Les mains toujours au fond des poches, tes bras n'ont rien à protéger, sauf quelquefois ta vieille sacoche, compagne des longs trajets. T'as tant de choses dans la caboche, pourras-tu les tenir longtemps? Ton cerveau cogne contre une cloche que personne n'entend. Ceux que tu prends pour des fantoches, les autres les prennent au sérieux et veulent bien croire au beurre en broche et à la poudre aux yeux. La grandeur d'âme, c'est de l'opéra. La vie simple, on la chloroforme sous des piles de copies conformes. N'y a-t-il rien d'autre que des moulins auxquels livrer combat? D'un jour à l'autre, tu ricoches sur un flipper d'incertitude, tandis qu'ils allument la téloche en toute servitude. Toi, tu voudrais être Gavroche, faire un pied de nez au pantin, façonné dans des manches de pioche par de cupide main. Tu voudrais être celui qui décroche la lune pour sa dulcinée. La lune, c'est peut-être fastoche, mais trouver dulciné, c'est aux étoiles lointaines ou proches que tu as choisi de rêver. Quelle que soit celle dont tu t'approches, elle est hors de portée. La grandeur d'âme, c'est de l'opéra. La vie simple, on la chloroforme sous des piles de copies conformes. N'y a-t-il rien d'autre que des moulins auxquels livrer combat? Et puis y a le temps qui s'effiloche, tu vieillis trop ou pas assez. Même si tu crois que t'as raté le coche, faut toujours espérer. Tu déambules comme un vieux mioche qui comprend pas la cour des grands. T'aimerais faire glisser une taloche sur les façades du temps. Un jour c'est beau, l'autre jour c'est moche. D'abord ça te plaît, et puis t'aimes plus. Tu sais pas trop ce qui t'accroche, et pourtant t'as rien vu. Les mains toujours au fond des poches, tes bras n'ont rien à protéger, sauf quelquefois ta vieille sacoche, compagne des longs